ses corps. Clem P.O. à la pro. Ok, écoute. Je vous présente ma propre définition du rap tout bas pour pas. C'est pas tout bas que je rappe, je suis tout pâle. Mais rien de grave, j'en ferai pas des tas d'âmes. Mais si t'aimes pas mon rap man, bah vas-y dis que je rappe mal. Versé au bruit du tam tam, j'ai connu un tas d'âmes. J'ai le rythme dans la peau, t'enregistres comme un tascam. Mes paroles c'est parce que je demande mettre ton casque et bouge la tête et passe-le. Joins à ton pote là, c'est trop de vis et vis dans la ville. Le fond des victimes pour du lot. J'ai plus de love, c'est vu, c'est vil. Hein. Même les vaillants sont des voleurs. Si vous voulez vous envoler, voulez-vous varier le volume. Tout comme les violences de You, voici violent, oui, si j'évolue. C'est que ton John son dans et on s'entend son face qu'en cendre. Tu l'as senti, ce sont sans temps. Buzz de s'entend et même sans son, je sanctionne. On n'évite pas le mal qui se dégage et des gars qui font des dégâts. Combien ont le cerveau saturé de soucis, du coup se mettent à se dessucer. Plongé dans un putain d'univers trop loin de la réussite. Parce que la mort suscite la paix que la vie supprime. Parfois c'est dur de vivre hein, quand la tristesse t'aille les coups. Va s'accumule avec le temps par la défoule. Toi de penser que l'amour n'est pas d'aide à Panam Proof. Moi le contraire j'en ai besoin parce que je trouve pas le moyen d'enlever ces putains de goûts de Paris. Envie de me barrer, d'ici t'y peux c'est décidé. D'ici peu j't'y perds vers un autre horizon. Bien moins songe, quitte la maison, la raison. Puis je vous laisse vous démerder dans la ville de la corruption. C'est dingue encore des PJ si je me flingue. Goutte à goutte, les coups des cubes, des coupes d'un coup. L'éclat des coupes, les coudes, ces coupes. C'est CKOR, la bouche est double. C'est vénère tout, comme l'orage et la poudre. Et j'détends mes nerfs pendant que j'envie le voyage et l'amour. J'te présente Panam, la ville où j'habite depuis petit. Petit va reste en effectif et tu peux te faire baiser pour si possible esquive la ville. Ah oui je vous envie vous qui vivez loin du vice. Avec vos love and love and peace. Ça fait boum boum pour l'ambiance du hood. Hood mon gars écoute tout. On n'est pas du genre coup de coude ni du genre tadarge la boum boum. En mode good cool. Nous ce qu'on aime c'est tout le tout. D'un vrai flow qui coule tout. Boum boum pour l'ambiance du hood. Hood mon gars écoute tout. On n'est pas du genre coup de coude ni du genre tadarge la boum boum. En mode good cool. Nous ce qu'on aime c'est tout le tout. D'un vrai flow qui coule tout.